discours de l'ancien chef de l'État, identité, frontières, islam, Nicolas Sarkozy se veut très engagé contre le terrorisme. La France doit être impitoyable, dit-il, et il détaille avec quelques mesures. Il veut notamment interdire le voile à l'université comme dans les entreprises, mais aussi les menus de substitution dans les cantines scolaires. L'ancien président le sait, il faut rassembler le plus largement possible, à droite et à l'extrême droite, en souhaitant ramener les électeurs du Front National. Nicolas Sarkozy est prêt à se jeter dans la bataille et même s'il ne s'en prend pas directement à ses concurrents, le patron des Républicains prévient « C'est une chose de déposer des fleurs sur ma tombe, c'en est une autre de m'y faire entrer ». Les précisions de Caroline N pour RTL. On va au Brésil. RTL Rio 2016. RTL do Brasil. C'est le cinquième jour et c'est un zéro pointé pour la France. Allez, on garde le sourire, on reste quand même dans le top 10 à la 10e place avec 6 médailles, dont 2 en or. Mais c'est vrai que la journée d'hier est à oublier. Au rang des principales déceptions, on retient notamment l'élimination de Jevriz Eman en judo. La triple championne d'Europe est médaillée de bronze au JO de Londres en 2012, éliminée dès son entrée en lice. Pas de médaille non plus en kayak ni en fleuret. Pour nous remonter le moral, on peut compter sur Florent Manaudou qui entre en piste ce soir sur 50 mètres nage libre. Il est le tenant du titre. Sur ses épaules, Isabelle Langer gardait sa médaille d'or, évidemment, mais aussi toute la pression née des contre-performances de l'équipe de France de natation. Oui, il y a 4 ans, Florent Manaudou n'était encore que le petit frère d'eux. Il n'avait jamais rien gagné, pas même un titre de champion de France. Et soudain, alors que personne ne l'attendait, il a déboulé comme une torpille, couloir 7 de la piscine olympique de Londres, pour un 50 mètres de folie. Depuis ce 3 août 2012, Florent Manaudou est devenu, à l'instar de sa sœur Laure, une icône du sport français. Colosse d'1m99, belle gueule, il fait le bonheur de ses sponsors. Côté bassin, le pilier des Bleus, invaincu en grand championnat depuis 2 ans et détenteur de la meilleure performance mondiale de la saison sur l'allée simple et l'homme à battre à Rio. Un rôle qui ne le dérange pas d'ailleurs. Finalement, ce qui est le plus compliqué à gérer pour lui, c'est d'être une nouvelle fois attendu comme le sauveur de la patrie. Reste qu'à 26 ans, Manaudou ne peut pas être éternellement l'arbre qui cache la forêt et quelle que soit sa performance ici, la natation française va enfin devoir faire face à la réalité. L'atterrissage risque d'être rude. Et Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Et puis vous l'aimez bien, vous, Florent Manaudou, hein, Olivia ? Je l'adore. Voilà, c'est dit. Allez. Les JO de Marie-Jo. À Rio, il y a les performances des athlètes français, mais aussi l'objectif de séduire pour accueillir les Jeux en 2024 à Paris. Hier, le président du CIO, Thomas Bach, a rendu visite au Club France. Marie-Josée Pérec nous raconte, ce sont les JO de Marie-Jo. Le président du CIO est venu visiter la Maison de la France. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon moment. On se sent privilégié parce que certainement il ne fera pas toutes les maisons des autres nations. Voilà. Nous étions quelques sportifs. Je trouve que c'est quelqu'un de très accessible. C'est vrai qu'il avait un petit mot pour chacun d'entre nous. Il s'est intéressé en fait à mon implication tout simplement dans la candidature de Paris 2024. Voilà. Et donc j'ai répondu que pour nous les champions, les Jeux, ça représente toute notre vie, toute notre jeunesse et que c'était tellement normal en fait qu'on puisse redonner aux Jeux ce que les Jeux nous ont apporté. Je pense que Thomas Barr était très intéressé par la petite présentation, en tout cas qu'il lui a été faite. Il a l'air curieux, il fait très attention aux gens autour de lui. Toutes ces petites choses sont tellement importantes pour cette belle candidature. Je pense que la candidature, elle prend du sens, elle est encore plus palpable, enfin voilà, ça devient encore plus vrai. Bon, au moins sur cette journée sans médaille et sous la grisaille, la France aura au moins eu la visite du président au Club France. Bon, on va dire qu'on se console comme on peut. Voilà, Marie-Josée Pérec qui nous racontait la visite de Thomas Barr avec Jean-Michel Rascol. Pour finir, la médaille d'or de la célébration revient à Nijat Rakhimov, l'athlète kazakh qui a remporté le titre olympique des moins de 77 kilos en haltérophilie. Il a soulevé, écoutez bien, 214 kilos à l'épaule et jeté, et c'est un record. Tout cela valait bien une petite danse du bonheur. Il tape du pied, il lance les bras en l'air en cadence. Je vous invite vraiment à aller la regarder sur internet, elle va devenir mythique. Oui, c'est curieux. Et demain, vous nous la faites, Jérôme. On va aller voir ça. Les courses, Olivia. Les courses, elles ont lieu à Enghien. Les pronostics de Bernard Glass, le 17, le 12, le 15, le 7, le 8, le 11, le 2 et le 14. La dernière minute de Bernard, c'est le 11, Tom Rush. Merci, Olivia Leray. On va se promener dans un instant avec Laurent Deutsch. Bonne journée avec RTL, 9h13. C'est l'été, c'est l'été sur RTL. Si le pastis Duval pouvait parler... Mais non, il chanterait. Voilà l'été, Pastis Duval. Voilà l'été, Pastis Duval. Pastis Duval. Voilà l'été, Pastis Duval, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Il rentre dans la surface, il tire, et c'est le but! Avec la Total Sport à 35 euros par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez l'UEFA Champions League et 100% de la Ligue 1 sur Canal+ et beIN Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal+ et Canal+ Sport et toutes les plus grandes compétitions. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et beIN Sport. Au fil des rues avec Laurent Deutsch sur RTL. Tout l'été, nous revisitons grâce à lui l'histoire de Paris. On se promène au fil des rues. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Jérôme. Ce matin, vous nous emmenez au cours La Reine. Oui, aujourd'hui, on va même se promener au fil de l'eau, puisque je vous emmène dans le 8e arrondissement de Paris, juste après la place de la Concorde, le long des quais, sur le cours La Reine. Et alors pourquoi le cours La Reine? Ça vient d'où? En fait, c'était une ancienne promenade, voulue par la reine Marie de Médicis, qui lui permettait de se promener à partir de son château des Tuileries, le long de la Seine, sans être incommodé par le trafic quotidien. Parce qu'il faut savoir que le chemin de la Seine, c'était une voie très fréquente pour se rendre dans l'ouest. Donc c'était une voie réservée pour madame, ouais, et voilà, pour pas se mêler au peuple. Une voie de première classe qui était réservée aux amis de la reine, à elle-même et aux personnes de qualité. Donc on peut toujours se promener aujourd'hui hein, sur cette... Oui, parce qu'il a été ouvert à la Révolution, voilà. Et aujourd'hui il existe toujours. Enfin, le cours La Reine c'est un peu une voie moderne, et l'antique cours La Reine c'est cette double rangée d'arbres avec une pelouse qu'on peut voir entre la route et le fleuve, qui est d'ailleurs constellée et jonchée de statues aujourd'hui. Et il y a la statue de Lafayette. Ah oui, ça c'est une anecdote croustillante que je peux pas manquer, cette fameuse statue de Lafayette qui a été placée là et qui a été commandée par les Américains pour remercier les Français de leur aide hein, durant la fameuse guerre d'indépendance, et surtout une guerre à laquelle Lafayette a amplement participé. Donc les Américains avaient commandé cette statue en bronze de Lafayette pour l'exposition universelle de 1900. Parce qu'ici, entre le Petit Palais, le Grand Palais et le pont Alexandre III, on est vraiment à l'épicentre du cœur bouillonnant de l'exposition universelle. Mais il y a eu un problème. Le sculpteur, il a été tellement lent que la statue, il l'a livrée en 1908. Donc pour l'exposition universelle, les Parisiens ont dû se contenter d'un modèle en plâtre. Donc il a mis 8 ans pour terminer. Donc peut-être pour s'excuser et peut-être aussi pour se moquer de lui, il a placé sur l'œuvre définitive, au pied d'un des sabots du cheval de Lafayette, une petite tortue en bronze. La petite tortue, c'était pour se moquer pour lui-même. Pour signifier sa propre lenteur, finalement, voilà. Fabuleux. Alors, regardez bien, chers auditeurs, si vous passez près de la statue de Lafayette à Paris, au regardez bien cheval, cette petite... Une petite surprise qui vous attend, tortue. Elle est parfaitement visible, et c'est assez irrésistible. Fabuleuse anecdote. Merci beaucoup, Laurent Deutsch. Merci à toi, Jérôme. À demain. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Nous sommes inexcusables. Pardon pour le retard, Bruno Guillon et Caroline Diamant, bonjour. Mais vous êtes tout pardonné, l'actualité est importante et donc vous êtes maître chez vous, il n'y a aucun non, souci. Non, mais je pense que le retard, on l'a pris juste avant 8h avec notre invité. Hein. Oui. C'est vrai que je faisais remarquer hors antenne que Julien avait donné une leçon de journalisme puisqu'il essayait, pour respecter les horaires, de couper la parole de l'invité politique du matin, mais il n'y arrivait pas. Et donc moi qui écoutais sous ma douche, ça donnait quelque chose comme... Il y avait les gestes avec. On vous fera un petit montage. Julien Peggy, on vous retrouve demain matin. Jérôme. Je vous appelle Julien. Je sais pas, Julien. Parce que je viens de dire bonjour à Julien dans le couloir. Jérôme Peggy, on vous embrasse, on vous retrouve demain. À demain. À demain. Et demain, vous aurez le droit de m'appeler Bernard. À demain. Allez, au revoir. À demain. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Comment ça va, Françoise? Très bien, Gérard, et vous? On fait un beau couple. Ouais, je trouve aussi. Bienvenue sur RTL, c'est le grand quiz de l'été. Nous sommes partis comme chaque jour jusqu'à 11h du matin. Donc dès maintenant, moi je vous invite à appeler le 3210 ou à envoyer RTL par SMS au 74 900. Cela va vous permettre de repartir avec des séjours à Disneyland Paris, des séjours pour 4 personnes complètement féeriques où vous serez logés à l'hôtel Sequoia Lodge où vous aurez l'accès illimité aux deux parcs Walt Disney Studios et le parc Disneyland Paris. Et puis il y a également des chèques de 1000 euros à vous offrir. Mon truc en plume des oiseaux, des animaux. Et Caroline Diamant est donc à mes côtés. Je me disais, quel va être son enchaînement avec son truc en plume? C'est moi votre truc en plume, Bruno? Oui, car vous êtes légère telle la plume. Et écoute... c'est avec cette légèreté qui vous caractérise que nous allons attaquer l'émission aux côtés de Céline. Bonjour Céline. Et bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue. Bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL. Merci. Céline, vous habitez à Valoris, on est près de Cannes. C'est ça. Bon, j'en profite pour avoir une pensée hein, aux sinistrés là, dans le sud de la France suite aux incendies qui ont ravagé notamment les abords de Vitrolles depuis un peu moins de 24 heures. Céline, commerciale, que vendez-vous ? Des pièces automobiles. Des pièces automobiles, d'accord, très bien. Oui. Vous avez pris vos vacances ou ça va venir ou c'est fait ? Pas encore, fin août. C'est prévu pour où ? C'est prévu pour la maison, pour la rentrée des classes des enfants. Mais en même temps, quand on habite à côté de Cannes, est-ce que vraiment on a besoin de bouger ? C'est la question que je vous pose. Pas vraiment. On va à la plage, ça suffit amplement. Alors, je vois sur votre fiche que l'hiver, vous aimez le ski, l'été, la plage. Ce qui est pas mal, puisque le contraire aurait été compliqué. L'été au ski... Ou plus coûteux. C'est toujours un peu dur. Ah, et ambiance un petit peu de sport d'hiver. Quand on reverrai-je, pays merveilleux. Tous ceux qui s'aiment vivent à deux. Et vous savez quoi ? Pour vous détendre, je vous propose même de boire un petit coup. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille ? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ça, c'est très agréable, ça met en bouche à cette heure-là. Oui, je vous confirme. Et puis surtout, ça détend. Et c'est le but, vous détendre, Céline, puisque vous allez attaquer ce grand quiz de l'été. C'est Caroline qui va vous poser des questions, d'accord ? Pendant une minute, vous connaissez le principe, un maximum de bonnes réponses, d'autant que vous êtes la première candidate de l'heure. C'est à vous d'établir le record à battre. Oui. Si d'aventure vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous repartez en plus avec un chèque de 1000 euros. Super, allons-y. Vous êtes prête ? Oui. Eh bien, c'est parti. Dans quel film Jean Reno est-il Godefroy de Papincourt, comte de Montmirail ? Les visiteurs. Quel est le nom du coupe-vent qui se range dans sa poche ventrale ? Les caouets. Quel mammifère carnassier a un cri qui ressemble à un rire ? La hyène. Qui a repris la chanson « Mon légionnaire » d'Edith Piaf en 1987 ? Je sais pas, je passe. Quel est le nom du pain croustillant d'origine italienne servant d'amuse-gueule ? Je sais pas. Dans quelle ville... Dans quelle ville se trouve le parc Borély ? Paris. Qui est la mère de l'actrice Marie-Lou Berry ? Je sais pas, je passe. De quel groupe de heavy metal Lemmy Kilmister était-il le leader ? Je sais pas. Comment se prénomme la fille de Bill et Hillary Clinton ? Je passe. Quel poète français a écrit L'Albatros ? Baudelaire. Quelle actrice joue aux côtés de Jean-Hugues Anglade dans le film 37-2 le matin ? Je passe. Qui est l'auteur de la série des Claudines ? Je passe. C'était Colette. Bon, difficile, on revient, hein. Oui, je sais, mais c'est ce que je dis souvent, Céline. À écouter à la radio, ça paraît très simple. À écouter à la radio dans sa salle de bain ou alors dans sa voiture, on se dit, mais je l'aurais eu, la réponse. Et puis, une fois qu'on est ici, comme dirait Popeye dans Les Bronzés, une fois qu'on pose les questions, on a envie de dire, je fais cette merde! Voilà. C'est un peu ça. Allez, puisqu'on parle d'extraits de cinéma, replongeons-nous dans Les Visiteurs. D'où ces jolies fillettes? Oui, mon beau cousin. Qui possède notre château de Rénavant? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Je suis fan. D'ailleurs, s'il avait été là, Jacouille, pour la réponse sur le caouet, il vous aurait dit... Pour la hyène, il aurait dit... On aurait même rajouté ça. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce qu'on est fan. Serge Gainsbourg a bel et bien repris la chanson d'Edith Piaf, Mon Légionnaire, en 1987. Ah oui, c'est vrai. Il était mince, il était beau, mon ami. Le graissin, vous l'aviez sur le bout de la langue et il est arrivé, c'est la muse-gueule, ce petit pain croustillant d'origine italienne. Le parc Borély, vous me l'avez mis à Paris, écoutez, on va le rendre aux Marseillais. Pas de ça entre nous. Marie-Lou Berry, c'est la fille de Monsieur Berry, Richard, mais oui, également vrai, de Madame Balasco. Josiane, non, d'ailleurs, je dis Richard Berry. Non, du Berry, frère de Richard. Du frère Berry. De Richard Berry, oui, oui. Que j'aille pas inventer une filiation qui n'existe pas. Oui, c'est le tonton, là. Oui, oui, c'est le tonton, pardon, excusez-moi. Les Michael Mister, leader du groupe Motorhead. Ace of Space. Bill et Hillary Clinton ont une fille et elle s'appelle Monique. Non, je blague. Elle s'appelle Chelsea. Chelsea Clinton. Quel poète français a écrit l'Albatros? C'est bien entendu Charles Baudelaire. Et de mémoire, ce n'est pas écrit sur l'affiche, mais je dirais que c'est dans le spleen et l'idéal de Baudelaire. Je crois souvenir aussi. Souvenir du lycée. Et enfin, quelle actrice joue aux côtés de Jean-Hugues Anglade dans le film 37 degrés 2 le matin? La délicieuse Béatrice Dalle. Écoute, Betty, il n'était pas d'accord pour que tu restes ici, sauf si on se mettait au boulot, c'est tout. Mais putain, il y a plein de tous ces baraques, mais ça a pissé, tu crois pas, non? Ouais, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Mais putain, on tombe toujours sur des salauds, il faut pas discuter avec eux, il faut les descendre, c'est tout. Mais ça changerait quoi, hein? Mais t'as pas de fierté? Oh si, mon chaton, si. Et si je dois repeindre toutes les baraques de la ville pour qu'on reste ensemble, je les repeindrai, même en rose, crois-moi. D'ailleurs, ce sont les fleurs du mal pour Baudelaire et non pas le spleen et l'idéal. Il fait partie de ce livre. Moi, j'aurais je vous pas approuve. Dû partir là-dessus. Tu sais quoi, quoi Baudelaire, j'aurais pas dû. Je le savais, tu vois, autant Tintin, je me dis, je peux y aller assez facilement. Baudelaire, je me suis dit, tiens, je vais essayer de marquer un point et puis non. En fait. On ne vous en veut pas, le lycée est loin. Oui, oh, c'était il y a 3 ans. Hein. J'ai beaucoup redoublé. Céline! Oui. Bon, premier score de l'heure, 5 bonnes réponses, c'est pas mal. D'accord. Ouais. C'est pas mal. On verra. 5 bonnes réponses, en tout cas, ça vous permet dans un premier temps de repartir avec votre montre RTL, qu'on va vous envoyer très vite du côté de Valoris. Et puis, si on vous retrouve tout à l'heure, juste avant 10h du matin, bah, ça veut dire que vous aurez gagné ce séjour à Disney. D'accord? D'accord. Ben, merci beaucoup. Céline, on vous embrasse. Au revoir, à tout à l'heure. Plein de bisous, Céline. Vous voulez faire peut-être mieux que Céline? Vous voulez gagner un séjour à Disneyland Paris? Vous appelez RTL maintenant au 3210. Blablacar, blablacar. Bonjour, vous êtes Marc pour Biarritz? Bonjour Lucille, montez, les vagues n'attendent pas. Ah, vous êtes surfeur? Je vais en faire pour la première fois. Et moi, c'est mon premier covoiturage. Et retiens bien, le regard toujours vers l'horizon. Merci, c'est cool d'être tombé sur un conducteur prof de surf. De rien, c'était sympa de faire la route ensemble. Un trajet est plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoituré pour le 15 août. Proposez vos places libres, c'est plus d'économies et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Vous êtes un homme et vous souffrez de fuite urinaire? Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution Convine, discrète et confortable. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites fuite urinaire. Prix d'un appel local et service gratuit. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice et demandez conseil à votre médecin. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à demain, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur la tablette Logicom 7 pouces 16 gigas noirs à 53€, soit un bon d'achat de 26,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 13 au 21 août, voire produits signalés en magasin, dans la limite des stocks. Oud, gère tout dans la maison. Oud, gère tout ce que je veux. Je veux. Un des grands plaisirs de la maison, c'est de rentrer chez soi et de trouver tout impeccable. Ça sent bon le propre, la cuisine est rangée, les carreaux sont faits, la salle de bain étincelle, le linge propre est étendu, les chemises repassées. Et dire que tout ce bonheur se trouve sur O2.fr. Et moi je vois la vie en mieux, O2. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. C'est le grand quiz de l'été sur RTL, avec la page Facebook de l'émission qui s'appelle Le Grand Quiz de l'été. C'est bien fait. Ah oui. Justin Timberlake, tout de suite. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off through my city, off through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Restera comme le morceau qui illustrera cet été 2016. Justin Timberlake à l'instant sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Et voilà maintenant Mathieu avec qui nous allons jouer. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, merci Caroline, que j'apprécie particulièrement Caroline. Ah merci que beaucoup. Je suis dans ces pérégrinations... avec les grosses têtes. Très et bien. En même temps, imaginez s'il arrivait à l'antenne en disant « Bonjour Caroline, tu j'aime moyen. » Autant dans les grosses têtes, tu vois, j'aime bien, autant Caroline, c'est pas... Maintenant, vous êtes là, alors forcément... Du coup, je vous remercie, Bruno, de l'aménager quand même. Allez. Mais parce que je l'aime, voilà. Moi, la première fois qu'on s'est croisé avec Caroline dans le bureau du directeur d'antenne d'RTL, voilà, on peut le dire, la musique s'est coupée d'un seul coup, et puis dans les enceintes est arrivé ce son. On était tous les deux destinés. Ah d'accord, on s'est rencontrés il y a 30 ans alors. J'avais oublié. Mathieu, est-ce que vous êtes déjà parti en vacances ou est-ce que c'est sur le point de se faire? Ça y est, c'est de l'histoire ancienne, début juillet. Ah, de l'histoire ancienne. Voilà. Bon. Alors je vois que vous êtes ambulancier. Et tout à fait, au travail. Au travail. Ah là, oui, mais vous êtes garé quand même. Oui. Et vous n'avez personne à l'arrière. Non, c'est bon. Ok. Alors, je vois que vous aimez le sport et vos enfants, et vous avez indiqué ça dans cet ordre-là, mais vous avez rajouté un petit lol, que je précise quand même, pour Lucas, visiblement, qui nous écoute sûrement. Lucas et Maëlys, ouais. Ils sont en vacances, je les embrasse, parce que ça fait quelques jours qu'on ne les a pas vus d'ailleurs. D'accord. Voilà. Vous êtes fan de Synapson ? Oui. J'aime bien la nouvelle scène comme ça. Eh bah, ben très bien. C'est quoi, ça va permettre à Caroline de découvrir le groupe Synapson puisqu'elle me demandait hors antenne. Donc Synapson, c'est ça. J'ai l'intégrale à la maison. Ok. Bon Mathieu. Ouais. Je vous pose des questions. Une minute, d'accord? Une minute de questions. Le score à battre pour cette première heure, c'est 5 bonnes réponses. C'est Céline qui nous a donné ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu? Prêt. Top chrono, c'est parti. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver. Mais qui? L'ami du petit déjeuner. Et qui interprète la chanson Tu m'oublieras en 1998 ? La Rousseau. Comment est appelé un soutien-gorge laissant découvert le haut de la poitrine ? À balconnet. Qui est l'ennemi juré de Peter Pan ? Capitaine Crochet. Quelle est la forme géométrique d'un panneau cédé le passage ? Triangulaire. Dans quel film de 1988 Dustin Hoffman joue le rôle de Raymond, un autiste ? Rainman. Quel est le prénom de l'héroïne de la bicyclette bleue de Régine Desforges ? Pas. Quelle île est reliée par un pont à La Rochelle ? L'île de Ré. Quel rappeur français a interprété la chanson Caroline au début des années 90 ? MC Solar. Quelle est la championne cycliste française la plus titrée ? Jeannie Longo. Quel est le terme qui désigne l'art d'élever et de dresser les oiseaux de proie pour la chasse ? Non, pas. La fauconnerie. Ah oui. Bon. Eh ben, à vue de nez, et Dieu sait qu'avec mon nez, on a une bonne vue, ça sent pas mauvais. On va revenir sur vos réponses avec Caroline. Alors, l'ami du petit déjeuner, vous avez raison, c'est l'ami Ricoré, mais on vous accorde l'ami du petit déjeuner. Ah, je savais pas si je pouvais donner la marque, c'est pour ça. C'est bien lui. Oh là, et vous savez, quand on travaille avec Caroline Diamant à la radio, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous savez quoi, on va même faire mieux, on va réécouter la pub. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Il va bientôt arriver, il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner. Il choisit toujours. Ah, donc, alors non, on a censuré l'ami Ricoré, donc ah d'accord, très bien. Oui, parce que sinon, on est obligé de faire l'ami Benko, après l'ami Poulain. Vous voyez, il n'y a que des amis. Dans la famille du chocolat du petit déjeuner, de toute façon, ils sont tous potes. Hein. Puisqu'on n'a pas dit le nom, alors je peux dire que la pub est très jolie, mais que le goût est dégueu. Non, alors ça, par contre, vous ne pouvez pas. Ok, alors voilà. On fera comme si je ne l'avais pas dit. Non, bah, bien sûr. On coupera au montage, vu que c'est en direct. La chanson « Tu m'oublieras » en 1998, c'est La Rousseau qui l'interprétait. C'est autre chose que Synapse. Hey Bruno. Oui. Franchement, je peux que je vous dise un truc. Hier, on m'a demandé mes goûts musicaux. Oui. Et je me suis dit, je vais pas dire La Rousseau parce que ça va pas être possible. Mais je la connais pas. Mais écoutez, j'ai failli dire La Rousseau quand même. Mais vous avez le droit, bien sûr. Mais je vous aime encore plus, Mathieu. Alors, le soutien-gorge qui laisse découvrir le haut de la poitrine, c'est effectivement un soutien-gorge à balconnet, vous n'avez pas hésité. Mais vous avez deux enfants. Qui est l'ennemi juré de Peter Pan ? Oui, c'est Capitaine Crochet. Ensuite, bonne réponse. Écoutons quand même Raymond dans Rain Man, l'excellent Dustin Hoffman. Des cure-dents. Il a besoin de cure-dents, on peut les lui apporter ? Ouais. 82 quoi, Raymond ? Tu dois combien ? Cure-dents. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie. Combien il y a de cure-dents dans la boîte ? 250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Extraordinaire film. Et la musique des... c'était les Belles Stars, je crois. Aiko. Magnifique. Rain Man avec Dustin Hoffman. L'héroïne de la bicyclette bleue, c'est celle qui vous a fait chuter. Pas de la bicyclette, mais dans ce questionnaire, elle s'appelle Léa. Elle fut interprétée par Laetitia Casta à la télévision. Eh bien, écoutez, vous avez pratiquement que des bonnes réponses après, mais on va s'écouter quand même MC Solar et cette chanson au titre somptueux. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Carreau. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Carreau. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, je love story, ragamuffin, pour vous parler d'une fille qui s'appelle Caroline. Elle était ma femme, elle était ma dope, elle était ma vitamine, elle était ma coque, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Ah, mais vous faites un disque, j'achète tout de suite, Bruno. J'adore. J'ai inventé ça, là, comme ça, au hasard. Et il y avait quand même la question sur l'île de Ré, c'est chez moi, le pont qui relie l'île de Ré à La Rochelle. Non, mais juste parce que hier, j'ai vu quand même sur les réseaux sociaux que en vacances à l'île de Ré, et elle a posté une photo sur Instagram, il y avait Katy Perry. Baby, vous êtes sûr qu'elle était à l'île de Ré ? Parce que si on la voit au milieu d'un plan d'eau, je vous dis tout de suite, non, ça peut être n'importe où. Elle l'a mis dans son commentaire. Bon, cher Mathieu, il fallait à minima 5 bonnes réponses pour prétendre au séjour à Disneyland Paris. Ouais. Eh bien, vous avez atteint 9 bonnes réponses.

L'album Pop Satori, un monument pop des années 80. Étienne Dao et Paul Tatou. D'ailleurs, l'album va fêter ses 30 ans et je me suis laissé dire qu'il y aura un concert anniversaire d'Étienne Dao quelque part dans Paris. Et vous êtes très bien renseigné. Eh oui. Parce que même des proches d'Étienne Dao m'ont dit, mais il est au courant avant nous. Eh ben, écoutez, peut-être que même j'ai tenu au courant Étienne Dao. 9h45. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Je suis fan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le grand quiz de l'été sur RTL. Qui va tenter de faire mieux que Mathieu? Est-ce que ce serait pas Sophie? Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Bruno, Sophie. Bonjour Caroline. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Qu'est-ce que fait Sophie? Merci. À Épinay-sur-Seine? Alors, bah, pour l'instant, que je suis au chômage, mais j'ai retrouvé un travail. Je vais commencer la semaine prochaine. Oh, ça, c'est une super nouvelle. Voilà. Très bien. Bon, bah, donc, vous profitez de vos derniers jours, un peu de congé, entre guillemets, de congé forcé. De congé forcé, voilà. Voilà, c'est ça. Sophie, vous aimez les voyages? Oui, j'aime bien. Enfin, jusqu'à présent. Après, pendant les chômages, on va moins en voyage. Je me doute. Le dernier beau voyage que vous ayez fait, c'était où? J'ai été en Inde. Ah. Dans le Rajasthan. Voilà. Je ne suis jamais allée. Non, mais c'est très beau, hein. Il paraît. Oui, il paraît beau, qu'on est souvent malade. Non, ça, ça va. En fait, quand on fait souvent des voyages, on a l'habitude de prendre ce qu'il faut, mais voilà. Vous êtes annonceur. Vous occupez d'un syndicat d'initiative pour une ville, peut-être même pour un pays ou pour une marque de chocolat de petit déjeuner. N'appelez pas Caroline Diamant. C'est pas le moment. Voilà. C'est-à-dire qu'en une phrase, l'Inde, qui est un pays magnifique. Du Taj Mahal au fleuve à la population résumée en une seule phrase, paraît qu'on mange très mal. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que vous avez souvent des gens qui vous disent qu'ils ont été un peu gênés. Je comprends, voilà. Denis Brognard qui est venu récemment, qui a dit alors ça s'est passé comment en Inde, Denis Brognard? Tourista général. Alors, Sophie, vous êtes fan de chansons françaises et en particulier Christophe Maé. Ne boudons pas notre plaisir d'écouter un ou deux morceaux de ce charmant Christophe. Une belle demoiselle qui se presse d'en aller, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole. Un autre petit. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche. Sophie, oui. Caroline va vous poser des questions pendant une minute. On va jouer en direct sur RTL ensemble juste après ça. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15€ par tranche de 100€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15€ par tranche de 100€, magasin participant sur bricomarché.com. Si le pastis Duval pouvait parler, mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval, voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, j'aperçois les glaçons, l'anis sent bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélange, c'est le pastis, un Duval et de l'eau fraîche. Pastis Duval, voilà. Pastis Duval, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Andros vous invite à Rio. Gagnez le Brésil avec la force du fruit. Destination Brésil. Tentez de gagner un voyage à Rio pour deux personnes. Jouez avec Andros jusqu'au 9 septembre en achetant trois confitures ou desserts fruitiers Andros. Voir les modalités du jeu sur andros.fr. Andros, fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Andros, Andros, la force du fruit. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Sophie s'est inscrite par SMS au grand quiz de l'été. Elle a envoyé RTL au 74-900 et donc elle est en direct avec nous ce matin. Sophie, votre mission, battre Mathieu, si tant est que vous voulez gagner ce séjour à Disneyland Paris que nous allons offrir à la fin de cette première heure. Il y en a deux ce matin. Le premier pourrait être pour vous si vous avez à minima 9 bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Sophie, top chrono, c'est parti. Quel insecte peut aussi qualifier un moment de déprime? Le Bourdon. Qui présente le jeu télévisé Fort Boyard sur France 2? Olivier Mine. Qui a réalisé le film La femme de mon pote en 1983? Je passe. Quelle est cette spécialité scandinave de saumon cru mariné avec de l'aneth, du sel et du poivre? Je passe. Que signifie la lettre L pour un planeur ULM? Léger. Quel est le nom du plus haut sommet du Japon? Fukushima? Non. Oui. Oui, je passe. Dans quel camping les personnages du film Camping se retrouvent-ils chaque année? Flot bleu. De quel pays est originaire le peuple maori? Je passe. Quel timbre sonore annonce le début et la fin de chaque reprise d'un match de boxe? Un gong. Comment appelle-t-on la personne chargée de l'entretien d'une église? Je passe. Combien de faces a un dé? 8. Quel groupe a interprété le tube Voilà l'été? Je passe. C'était Pastis du Val. Pardon, je suis encore un peu. Les négresses vertes. Ah oui, les négresses vertes. Avec le chanteur regretté Elno. Un dé à 8 faces. Alors, je ne vais pas me moquer puisque. Non, non, mais alors, vous savez que dans les jeux de rôle, genre Donjons et Dragons, etc., il peut y avoir des dés à 8 faces. Mais le dé classique, il n'en a que 6. Ouais, c'est... Et c'est la réponse que l'on attendait. Quel insecte peut aussi qualifier un moment de déprime? Pour être très honnête, nous avions le cafard, mais c'est vrai que le bourdon, voilà, on peut vous l'accepter et on va vous l'accepter. Qui genre. Présente le jeu télévisé Fort Boyard? L'excellentissime Olivier Mine. Alors, oui. Le sexy Olivier Mine. Je ne suis pas là pour faire de l'incitation, mais sachez que ce samedi, sur France 2, il y a Fort Boyard, comme chaque samedi, à 20h55. Sauf que ce samedi, vous reconnaîtrez entre mille ce cri extrêmement masculin. Voilà, et ça c'est moi. Alors, dans quelle épreuve? Parce que je suis dans Fort Boyard ce samedi sur France 2 et, ah, bah, je vous regarderai. Et j'ai la phobie des serpents. Et donc, à chaque fois que j'y vais, ils se disent, si on lui mettait des petits serpents. Donc quand je suis au milieu des serpents, ça donne ça. Non, c'est pas un vrai cri. Si. Voilà, c'est moi. Voilà. Ah, vaut mieux les serpents que les araignées quand même. Ah non, mais alors les araignées, ça ne pose aucun souci. Les serpents, c'est l'inverse. J'ai un vrai problème. Bon, c'est Bertrand Blier qui a réalisé La femme de mon pote en 1983, où l'on retrouvait Thierry Lhermitte, Isabelle Huppert et le regretté Coluche. Il y a des filles qui sont pas dérangeantes. Mais je suis pas son copain, je suis son ami. Nuance, je suis même son meilleur ami. Tu vois? J'ai une énorme influence sur lui. Il ne prend aucune décision importante sans me consulter. Et notre amitié remonte à 10 ans déjà. Et personne n'a réussi à nous séparer encore. Même une femme. Même une femme, oui. La femme de mon pote. Le saumon cuisiné avec de l'aneth, du sel et du poivre, il est grave lax. Ah, d'accord. Alors, ça a déclenché un petit sourire dans l'équipe et on s'en excuse, mais le nom du plus haut sommet du Japon, c'est pas Fukushima. Oui, ça, c'était la ville avec la centrale atomique, voilà, centrale, et cette catastrophe écologique dont on a tous souvenir. Non, c'est le mont Fuji ou Fujiyama. Ouais. Je savais que c'était avec un F, mais je me rappelle plus. Bien sûr. Mais après, avec le stress, on peut dire n'importe quoi. Dans quel camping les personnages du film Camping se retrouvent-ils chaque année? Le camping des Flots Bleus. Et toi, tu bossais dans quoi? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. Oh, on n'attend pas Patrick. Film RTL, Camping 3, toujours à l'affiche. Le peuple maori est originaire de Nouvelle-Zélande. Et celui qui s'occupe de l'entretien d'une église s'appelle le sacristain. Bon! Je savais pas. Sophie. Oui. Il vous fallait 8, 9 même bonnes 9, réponses. Ouais. Vous en avez obtenu 5. Ah, bon, tant pis. C'est-à-dire que vous êtes à égalité avec Céline qui a joué en début d'heure. Bon, alors. Insuffisant pour le voyage, ouais. Certes, mais nous vous offrons avec grand plaisir une montre RTL qu'on vous envoie du côté d'Épinay-sur-Seine. D'accord, Sophie? C'est bien, ça va alimenter ma collection. Eh bien, très bien, on vous embrasse. Et bonne chance pour votre nouveau travail. Et bonne reprise lundi. Merci. Belle journée, au revoir. Au revoir. Alios. Premier extrait de ce duo suisse. L'album arrive bientôt. Ça s'appelle Loin sur RTL. Loin de de s'aimer assez fort pour nos corps en désaccord. Peu importe, fille ou garçon, tant qu'il est de saison. Loin de sentir sous ta peau un cœur au triple galop. Dormir sur le canapé pour ne pas y penser. Oh, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Demain, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Demain, de tenir la distance, on se perd à l'évidence sous nos yeux trop. Travailler d'un animateur de radio, c'est quoi? C'est quand vous avez entendu une chanson et vous vous dites « Mais c'est bien ça, c'est qui ?» Et vous êtes content qu'il vous l'annonce. Alioz, à l'instant, sur RTL. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, ben on rentrera par les fenêtres, ça se fait aussi. » Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 15 août, pendant l'opération Mon Capital Maison, moins 20% sur tous les types de portes de garage sur mesure et les portes d'entrée sur mesure en aluminium, PVC, bois et acier. Livraison à domicile incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat. » Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, le grand quiz de l'été. Et nous avons le premier séjour à Disneyland Paris à offrir. Bon, je pense que en coulisses, chez lui, il s'est bien aperçu qu'il se passait quelque chose. Mathieu, notre ambulancier de Cholet dans le Maine-et-Loire. Mathieu. Oui, bon. Bon, et ben autant se le dire maintenant. C'est gagné. Super. Vous partez à Disneyland Paris. Excellent. Excellent. Je Lucas pense, et Maëlys ouais. vont sauter de joie. J'imagine. Exactement. Ah, vos oui. enfants Lucas et Maëlys vont être ravis. C'est pour 4 personnes. Donc vous pouvez. Je le réclame depuis tellement longtemps. Vous pouvez amener votre chérie aussi. Oui, évidemment. Bah, ça vous serez logé, bien entendu, sur place à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Vous allez chanter avec Olaf et tous les héros de la Reine des Neiges. Et puis vous aurez l'accès illimité pour les deux parcs Walt Disney Studios et Disneyland Paris. Je peux vous dire que vous allez avoir deux journées bien remplies. Et si vous avez faim, qu'à cela ne tienne, on vous offre également les déjeuners. D'accord, Mathieu? Super, merci beaucoup. Bon séjour à vous, on vous embrasse. Et bisous à Caroline. Merci, plein de bisous à vous. Vous merci. Voulez jouer avec nous et comme Mathieu repartir avec un séjour à Disneyland Paris, vous appelez maintenant le 3210. Le grand quiz de l'été continue après les infos. Vous écoutez RTL, il est 10h. Les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. D'abord les incendies cette nuit dans les Bouches-du-Rhône. Les feux sont désormais totalement sous contrôle, même si des risques de reprise restent importants aujourd'hui, avec le vent qui devrait encore bien souffler. 3300 hectares de garrigues ont été brûlés, 1800 pompiers ont été mobilisés, des canadaires également, 3 personnes blessées, dont une gravement. Les habitants évacués à Vitrolles, la commune la plus touchée, peuvent désormais rentrer chez eux. Les flammes ont été arrêtées aux portes de Marseille. Côté circulation ce matin, la situation reste très compliquée. Trafic chargé, voire saturé sur l'A7 fermée entre Septem et Vitrolles. Ça bouchonne également sur l'A55 et la Nationale 568. Les vols commerciaux reprennent à l'aéroport de Marseille. Ces départs de feu sont-ils d'origine criminelle? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment. La direction départementale de la sécurité publique annonce ce matin il y aura une enquête. 130 policiers sont toujours mobilisés. Ils ont surtout aidé à la population, les pompiers pour le moment. Autre incendie hier soir dans l'Hérault, au nord de Béziers, 4 pompiers blessés. 3 d'entre eux sont toujours gravement blessés en urgence absolue. Ils sont hospitalisés à Montpellier. L'incendie, lui, est maîtrisé. Pas de vacances pour François Hollande, le chef de l'État. Réuni ce matin, le chef du gouvernement et plusieurs ministres pour un nouveau conseil restreint de défense. Objectif, faire le point sur les opérations antiterroristes en cours. François Hollande partira ensuite en Corrèze, visiter l'école de gendarmerie de Tulle. Allez, on part au Brésil. RTL Rio 2016. Nouvelle journée pleine de déceptions hier pour l'équipe de France. 0 pointé, aucune nouvelle médaille. Défaite en escrime, en judo, en rugby. Consolation quand même avec le basket. Les Bleus de Tony Parker se sont qualifiés pour les quarts de finale. Victoire 76-75 contre la Serbie. De leur côté, les handballeuses se rapprochent des quarts après avoir battu l'Argentine 27-11. La journée d'hier a également été marquée par la finale du 100 mètres nage libre remportée par un Australien âgé de seulement 18 ans, Kyle Chalmers. C'est le premier Australien à s'imposer sur cette distance depuis les Jeux de Mexico en 1968. Florent Manodou ne participait pas dans cette épreuve. Le champion français est attendu au tournant. Aujourd'hui, il entame les séries du 50 mètres nage libre, une distance pour laquelle il avait été sacré champion olympique en 2012 à Londres. Sa victoire pourrait apaiser l'atmosphère très tendue ces derniers temps dans l'équipe de France de natation. Ce sera à suivre ce soir à partir de 18h22. Les courses à l'hippodrome d'Enghien. Aujourd'hui, 17 partants. Bernard Glace vous conseille de jouer le 17, le 12, le 15, le 7, le 8, le 11, le 2, le 14. Et la dernière minute de Bernard, c'est le 11, Tom Rush. La météo, encore pas mal de fraîcheur aujourd'hui, mais un temps plus agréable avec du soleil sur quasiment tout le pays, des éclaircies au nord de la Loire, plus de nuages entre le nord et le bassin parisien. Grand soleil dans le sud avec toujours des rafales de vent en Méditerranée. Les températures entre 19 et 28 degrés, 22 à Grenoble, 24 à Paris, 28 à Perpignan. Merci de commencer votre journée sur RTL. Il est 10h passé de 3 minutes. Le grand quiz de l'été continue avec Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Alexandre de Saint-Aignan, on va vous retrouver tout à l'heure dès 11h sur RTL. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Laura. Soutenir les Restos du Cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi leur proposer des ateliers de français, d'accompagnement scolaire, car lire, écrire, communiquer, s'exprimer et réussir à l'école sont des atouts indispensables à une insertion socio-professionnelle réussie. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL, merci d'être fidèle au rendez-vous du grand quiz de l'été tous les jours, 9h15, 11h, vous jouez, vous vous amusez et nous prenons plaisir à vous offrir tout ça aux côtés de Caroline Diamant. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Excusez-moi, je prête toujours attention pendant quelques secondes à la chanson que vous m'attribuez avant de me présenter. Mais il n'y a pas toujours forcément un message. Là, par exemple, je l'ai lancé parce que je trouvais ça joli. Oui, mais bon, moi, je cherche toujours, vous savez, les messages cachés. Je suis très Miss Marple, quelque part. Ouais. Je suis très parano, surtout, j'ai l'impression. Je travaille aux grosses têtes. Ouais. Alors, vous allez pouvoir ce matin, une nouvelle fois, repartir avec un séjour à Disneyland Paris, tout comme Mathieu l'a gagné tout à l'heure. Il vous suffit de vous inscrire, vous appelez le 3210 ou vous envoyez RTL au 74 900 et comme par magie, vous vous retrouvez en direct sur l'antenne d'RTL, un peu comme Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bienvenue sur RTL. Isabelle. C'est gentil, merci. Ah, ne nous remerciez pas encore. Nous n'avons pas posé les questions. Vous nous appelez de Dijon. Oui, exactement. Et vous faites le métier difficile mais beau de restauratrice. Exactement, oui. Mon mari et moi avons un bar, brasserie, restaurant en plein centre de Dijon. Eh bien, écoute, je vous propose de donner le nom de ce restaurant. Écoute, profitez de l'antenne d'RTL. Oui, c'est le Café de l'Industrie. Café de l'Industrie, rue des Godrans à Dijon. Café de l'Industrie, rue des Godrans, publicité. Et le plat du jour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes fermés pour l'instant, nous rouvrons mardi prochain. Nous rouvrons mardi au Café de l'Industrie, c'est la rue des Godrans, c'est vraiment très marrant. Rendez-vous mardi au Café de l'Industrie, c'est où les copains, c'est à Dijon. Voilà. Voilà, vous avez une petite pub que vous pourrez utiliser et réutiliser dans les cinémas de la région. C'est gratuit. Tout à fait, ouais, c'est sympa, merci. Je vois que les vacances ont déjà été prises et que vous êtes partie à New York en famille. Ouais. La grande chance cette année, ça faisait plusieurs années qu'on était sur le projet et on a enfin pu le concrétiser. J'ai emmené mes enfants et mon mari, mais on y était déjà allés ensemble, mais mes enfants découvrir cette fabuleuse ville qu'est New York. Quel âge ont vos enfants? 13 et 16 ans. 13 et 16 ans. Et alors, la découverte était à la hauteur du rêve? Ah, tout à fait. Mon fils, le plus jeune, qui a 13 ans, m'a même dit que c'était encore mieux que tout ce qu'il avait imaginé. Donc voilà, pour moi, c'est du bonheur. Ben oui, mais New York... New York. La tour de Pise de New York, la muraille de Chine de New York. Et les gondoles. Et les gondoles de New York. Vous savez quoi? Vous savez quoi, Claire? Vous m'avez vendu du rêve. Et avant que nous jouions ensemble, puisque c'est moi qui vais vous poser les questions tous les deux sur RTL, j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver que, ensemble, en laissant votre mari et vos enfants l'espace de quelques secondes, nous partions tous les deux à New York. À New York, quand je téléphone, j'adore téléphone. Oui. Eh ben Claire, embarquement immédiat. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque un autre rat. Voici le cœur de la vie par toi, et tu m'emmèneras. J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous pas. Un jour Eh bien, on est arrivé, Claire. Oui. Quel atterrissage en douceur. John Fitzgerald Kennedy Airport. Bon, Claire. Oui. Je vous pose les questions. Oh, bah oui. En direct sur RTL pour tenter de vous faire gagner un séjour à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Top chrono, c'est parti. Qui chante en 1974 la bonne du curé? Annie Cordy. Qu'est-ce qui désigne un mollusque à la forme allongée ou un instrument fait pour trancher? Si vous ne savez pas, vous passez. Je passe. Quel joueur de foot était surnommé JPP ? Jean-Pierre Papin. Par quel constructeur était fabriquée la Vespa ? Renault. Quelle est cette brioche alsacienne à base de raisins secs et en forme de couronne ? Le Kugler. Lors de quel week-end passons-nous à l'heure d'été ? Lors de quel week-end ? Troisième week-end du mois de mars. Quelle est la capitale administrative de l'Afrique du Sud ? Johannesburg. Quel joueur de tennis rejoint Shakira dans le clip de sa chanson Gypsy en 2010 ? Je passe. Quelle femme française a obtenu deux fois le prix Nobel ? Marie Curie. Qu'est-ce qu'un marin appelle un coup de chien ? Je passe. Une tempête. Alors, si je puis me permettre, Claire, et je vais mettre le doigt là-dessus pour les autres auditeurs qui vont nous rejoindre sur RTL, je ne l'avais pas précisé avant le questionnaire, mais plutôt que de bloquer sur une question, c'est toujours mieux de passer, parce que quand vous bloquez, le problème, le temps défile. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est du temps de perdu pour peut-être d'autres questions ou réponses un peu plus simples. Bon. On va revenir, Claire, sur vos questions et surtout sur vos réponses avec Caroline Diamant. Attaquons tout de suite avec la bonne du curé. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Mais je peux point. Mais je peux point. J'adore cette femme. Moi aussi, quelle pêche encore. Quelle énergie, bien sûr. Qu'est-ce qui désigne un mollusque à la forme allongée ou un instrument fait pour trancher ? Vous l'utilisez tous les jours un dans couteau, votre métier, un couteau. Ça, c'est le stress. Ça, avec c'est un le petit stress. Peu de persillade dessus, là, avec un verre de Mentos salon. Ah bon, je dis ça, moi. Le joueur qu'on se nomme JPP, c'est Jean-Pierre Papin. C'était un sketch des guignols dans les années 90. Moi, dans le JPP, la colac. Le constructeur qui fabriquait la Vespa, c'est une marque italienne qui s'appelle Piaggio et pas Renault. Alors le Kugloff, vous l'avez identifié tout de suite, on sent que vous savez en faire. Alors le week-end auquel on passe à l'heure d'été, c'est le dernier week-end de mars, c'est juste celui après le troisième. Je suis désolée. Alors Pretoria est la capitale administrative de l'Afrique du Sud, mais Johannesburg est la capitale économique. Donc vous n'aviez pas complètement tort, mais hélas, vous n'avez pas raison. Donc vous ne pouvez pas marquer un point. Le joueur de tennis qui rejoint Shakira dans le clip de sa chanson Gypsy en 2010, c'est Rafael Nadal. Et on écoute. Ce camarade appelle un coup de chien. Bruno vous l'a dit, c'est une tempête. Et on finit là-dessus. Et on finit sur une tempête. Et bon, vous allez. C'est le score étalon. Donc c'est le score à battre. C'est le score à battre, 4 bonnes réponses. Voilà. Claire. Oui. Honnêtement, ça peut le faire. Ça va dépendre des auditeurs et des auditrices d'RTL qui vont venir nous rejoindre ici en direct d'ici 11h du matin. Ce que je vous propose, Claire, dans un premier temps, c'est de vous offrir une montre RTL. Avec grand plaisir. Et puis honnêtement, moi, ce qui me faisait vraiment envie, c'était de jouer avec vous. Donc c'est fait. C'est parfait. Voilà. Et vous savez quoi, c'était un plaisir partagé. On vous embrasse. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Et puis, à une prochaine fois, et si vous passez par Dijon, n'hésitez pas. Et bah, écoutez, de l'industrie, nous sera, voilà. Mais pas exactement. Cette semaine, parce que ça rouvre mardi, on a bien compris. Voilà, exactement. Vous écoutez RTL. Si vous vous êtes inscrit en appelant le 3210, si vous avez envoyé RTL au 74 900, il y a des chances pour que les standardistes d'RTL vous rappellent pour jouer à l'antenne. Ou alors Caroline et moi-même en direct, c'est l'appel mystère qui peut partir n'importe où, n'importe quand, en tout cas quoi qu'il arrive, il y aura un appel mystère ce matin pour jouer sur RTL avant 11h. RTL. Vous aimez l'aventure, les courses de voitures et vous éclatez en famille ou entre amis, le dimanche 2 octobre, venez vivre l'expérience du Trophée Cars. la première course de voitures à pédale Cars sur les Champs-Élysées. Pour tout savoir, rendez-vous sur disney.fr/cars avec RTL. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, les essentiels ciné. Stéphane Boutsock. Quels sont les 5 films qui comptent le plus pour vous ? Chaque dimanche, cet été, une personnalité répondra à ces questions dans les essentiels ciné. Grand classique ou série B, chef-d'œuvre ou nanar, je vous promets des surprises. Les essentiels ciné de Gilles Boulot. Dimanche, à partir de 13h sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. 10h15 de façon extrêmement précise. Vous vous réveillez peut-être à l'instant. Oui, vous avez fait une grasse matinée. Qu'à cela ne tienne, vous allumez RTL. Vous êtes en train de vous réveiller doucettement, les yeux encore collés. Et vous vous dites, ce qui serait bien là maintenant, c'est que sur RTL, la première radio de France, il passe une petite musique douce. Dommage. Le réveil. Je cohabite donc dans ce studio avec un fan de Air Guitar, de Air Two, quoi. Oui, j'ai fait une petite démonstration. Ah. Voilà, si vous avez RTL.fr, vous pouvez voir les images. Ah oui. Et j'ai essayé de refaire ce toucher de guitare d'Angus Young. C'était AC/DC sur RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue sur bonjour. RTL. Soyez le bienvenu Pascal, vous habitez à Rumilly. Oui, tout à fait. Que faites-vous dans la vie Pascal ? Je suis ajusteur. Très bien. Vacances, c'est passé, ça va venir ou vous êtes en plein dedans ? Je sors de chômage, donc ça sera l'année prochaine maintenant. Mais vous savez quoi ? Ce ne sont que des bonnes nouvelles, nous avons eu le cas tout à l'heure. Vous sortez de chômage, ça veut dire que vous avez trouvé un emploi. Et ça, c'est une nouvelle qui fait plaisir à entendre. Pascal, du coup, un peu moins de temps pour le jardinage, j'imagine, puisque je vois que c'est une de vos passions. Oui, tout à fait. Mais on va prendre un petit peu de temps pour écouter un de vos groupes préférés. Il s'agit des Beatles. Merci. J'ai le droit à un autre morceau ou pas ? Je regarde Caroline. Oui, parce qu'il n'est pas super péchu celui-là. Bon, alors plus péchu. Oui. Love me do. Voilà. You know I love you. J'entends un message en plus. Oui, beaucoup. Love me do. Love me do. Love me do. Je suis adepte du Jamais 203, moi. She's got a ticket to ride. Bon, cher Pascal, il va falloir tenter de battre Claire. C'est elle qui a commencé l'heure avec nous tout à l'heure en nous donnant 4 bonnes réponses. Il faut faire mieux que 4 en répondant aux questions que va vous poser Caroline Diamant. Une minute de questions. À l'instar de ce que je disais à Claire à l'issue de son questionnaire, surtout si vous ne savez pas, si ça vient pas tout de suite, parce que des fois on sait, mais la réponse n'est pas immédiate, le mieux c'est tout de même de passer. Nous sommes d'accord ? On est d'accord. Pascal, une minute, top chrono, c'est parti. Qui veut de l'amour, de la joie et de la bonne humeur dans sa chanson ? Je passe. Quel terme anglais désigne un pirate informatique ? Un hacker. Selon l'expression, quel défaut prête-t-on à un arracheur de dents ? Menteur. Dans la pub, pour quel dessert tout le monde se lève ? Danette. Où produit-on le vin Patrimonio ? Aucune idée. Au tennis. Au tennis de table, quel minimum de points faut-il pour remporter un set hors set décisif ? 21. Qu'est-ce qu'une Marie Salope ? Un bateau. Quel groupe de rock enregistra son premier album en 10 heures en 1963 ? Je passe. De quel pays Reykjavik est-elle la capitale ? Islande. Que transporte le camion d'Yves Montand dans le film Le Salaire de la Peur ? De la nitroglycérine. Quel maître d'hôtel s'est suicidé à cause du retard de livraison du poisson ? Je passe. Quel chanteur et acteur français était sacré champion du monde de poker en 98 ? Bruel. Et oh, oui, très très bon joueur de poker. Patrick ! Oui, tout à fait. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Alors, un grand homme et peut-être un grand joueur ce matin, Pascal. Nous allons revenir sur vos différentes réponses. Elle veut de l'amour, de la joie, de la bonne humeur dans sa chanson. De qui s'agissait-il ? Je vois qui c'est, mais elle chante La Boulette. La Boulette, c'était Diams. Oui. Et là, Je veux, c'était Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Où produit-on le vin Patrimonio ? Vous avez passé. Vous avez passé le Patrimonio, vous pouvez le voir en Corse. Ah ouais. J'ai jamais été. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu la main sur l'oreille, mon petit Bruno. Ah oui. Toujours quand je bois du Patrimonio. Au tennis de table, quel minimum de points faut-il pour remporter un set hors set décisif? Vous avez dit 21, c'était 11. Une Marie Salope. Et alors là, j'apprends quelque chose. Oui. C'est un bateau. Vous avez donné une bonne réponse. Pour rentrer un peu plus en précision, c'est un chalon à fond mobile destiné à recevoir les vases extraites par une drague, puis à les évacuer en haute mer. Une Marie Salope extraordinaire. Oui. Ben oui, je suis pas très fan de cette expression. Je vais demander qu'on change le nom, je pense. D'accord, très bien. Ouais. Bon, alors par contre, le groupe de rock qui enregistra son premier album en 10 heures en 1963. Oh, là, la Pascal. Alors. Bah écoutez, alors vous allez voir, peut-être que vous connaissez ce groupe, on vous passe un extrait. I need somebody. Ah, d'accord. Bah oui. Ça nous a fait sourire puisque juste avant vous disiez que vous étiez fan des Beatles, mais on peut être fan d'un groupe sans en connaître tous les détours. Voilà. Et très honnêtement, je ne le savais pas moi non plus. On ne connaît pas tout. Reykjavik est bien entendu. Déjà, à savoir que c'est Phil Collins, le leader des Beatles, je trouve que c'est la base. Ouais. Et puis après, on verra. Super. Reykjavik est la capitale de l'Islande, vous aviez raison. Et puis, Yves Montand transporte bel et bien de la nitroglycérine dans ce film de 1953, film de Henri-Georges Clouzot. Il donne la réplique de mémoire à Charles Vanel. Charles Vanel. Ouais, me semble-t-il. Petit extrait. Vise un peu les tarifs. Caracas, c'est trop près. On est brûlé dans ces coins-là. Après, ça va tout de suite chercher dans les 200-300 bucks. Tu les as ? Non. Pas moi non plus. Paye le visa. Là-bas, faut un visa. Et ça se trouve, un visa. Ouais, mais un vrai. Un vrai aussi. Mais quand t'as les sous. Et les sous, faut les gagner. Et pour les gagner, faut du travail. Et du travail, ben, il n'y en a pas. Tiens, ils ont commencé ce building il y a 2 ans. Ben, ils ont tout laissé tomber. Avec ce soleil, ça se comprend. Et c'est bien entendu Paul McCartney et John Lennon, leader des Beatles, c'était une vanne. Je le dis parce que des fois après sur les réseaux sociaux, je dis non, Phil Collins. Bon alors, cher Pascal, il vous fallait à minima 4 bonnes réponses. J'ai une bonne nouvelle, vous en avez 7. Waouh. Ah oui, waouh. Et avec 7 bonnes réponses, je peux vous dire que ça part plutôt bien pour le séjour à Disneyland Paris. Nous aurons la réponse, à savoir en tout cas si vous l'avez gagné, tout à l'heure, juste avant 11h du matin. Mais dans un premier temps, nous vous offrons une montre RTL. Merci. On vous embrasse. Je peux avoir une montre pour femme, s'il mais vous plaît. Bien sûr, oh, Pascal. Mais oui, c'est très gentil de penser à sa chère étendre. On vous envoie une montre pour femme. A tout à l'heure peut-être, Pascal. Merci beaucoup. Je voudrais vous raconter une histoire ce matin sur RTL. Vous le connaissez, lui. Un cavalier. Ah oui, bien j'ai sûr. Connu même bibliquement. Bien sûr. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Son nom, il le signe. Je vous confirme. À la pointe de l'épée. Qui veut dire Zorro. Donc ça, c'est quand il a son masque, d'accord. Et quand il est dans la vie de tous les jours, comment s'appelle-t-il? Don Diego de la Vega. Exactement. Et là, il y a des frères, les frérots de la Vega, qui eux n'ont pas réussi à cheval et avec un bandeau. Et donc, ils se sont lancés dans la chanson. Voilà. Enfin, c'est l'histoire qu'on m'a racontée, à vérifier, bien sûr. Je ne sais pas si c'est vrai. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur et le fond. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Sous les épaules des géants, le cœur est fin. Voir au-delà de nos vies. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur est fin. On prendra notre temps pour découvrir la vie. Aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies, le cœur ébahi. Goûter la voie lactée. Le cœur léger, Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Frérot de la Vega, le cœur éléphant, un instant, c'était sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Cette bonne question, c'est le score à battre pour cette deuxième heure. Oh, cette bonne réponse, même. Sur les bonnes questions, on les aura, quoi qu'il arrive. J'ai dit cette bonne question. Enfin, en tout cas, ça, je suis sûre, c'est bonjour Christine. Bonjour Caroline et Bruno. Bonjour Christine, bienvenue sur RTL. Bonjour. Alors, vous habitez Pontcharrat sur Turdine, et si j'ai bien compris, c'est près de Lyon. Tout à fait, entre Lyon et Erwan. D'accord. Je vois que vous êtes ébéniste d'agencement. Ébéniste, je vois bien. Ouais. Agencement, c'est-à-dire ? Eh ben, c'est tout ce qui concerne la cuisine, la salle de bain. Sur mesure, quoi, en fait. Sur mesure, tout du sur mesure, oui. Ah. Moi, je suis fan. Les gens qui travaillent le bois, je trouve ça déjà extrêmement joli. Et je suis fan, j'adorerais pouvoir le faire. Ah, bah, c'est sympa. Eh ben, je vous donnerai des cours, alors. Eh ben, écoutez, avec plaisir. Non, je suis admiratif des gens qui travaillent le bois. Je trouve ça magnifique et magique. Je sais que Caroline, elle coud. Oui, bah alors, c'est pas du sur-mesure d'abord, moi, que je couds. Hein, c'est vraiment, c'est à vue d'œil. Mais je l'ai dit, Christine, en rapport avec votre métier, je peux vous dire que Caroline envoie du bois. Tous les matins. Non, mais je suis très admirative également des gens qui savent se servir de leurs mains et qui sont doués. C'est toujours quelque chose qui m'impressionne énormément. Ça me fait du bien d'entendre ça, c'est sympa. Christine, c'est sympa. Super sympa. Un petit peu de musique pour vous mettre dans l'ambiance. Ouais. Magnifique Daniel Balavoine. Je vois que vous êtes fan également d'Enrique Iglesias. Oh bah ouais. Il est beau. J'adore sa dernière chanson. Ah ouais. Bah, il est beau. Ah ouais. Il est un peu jeune pour moi, mais bon. Ah, on s'en fout. Et si on soutient les Cougars. Comme vous dites, Caroline, ouais, c'est clair. On doit être un peu près de la même génération. Tout à fait. Vous savez que j'ai un extrait d'Enrique Iglesias que je garde dans un coin caché de mon ordinateur où il avait été enregistré lors d'un concert, mais où il chantait a cappella. Chanter a cappella, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont en train de le regarder entendent le disque que l'on peut entendre à la radio, mais l'ingénieur du son avait le retour d'Enrique Iglesias dans son micro, et comme il courait un peu dans tous les sens, etc. Je vous fais écouter l'extrait ou pas ? Oh, c'est méchant. Allez-y. Non, non, mais je ne le fais mais pas. Mais ça, plus les préservatifs pour petit sexe, ça fait beaucoup pour un sexe. C'est vrai qu'on en avait parlé. Oui. Bon, je ne le mettrai pas. Si on me dit que je le mets, bon, un petit extrait alors. Oh, la nuit. Lasting the music, your heart will be. Arrêtez, ça gâche. Ah là, ça gâche tout. Et quand il repart. Okay. Non, c'est vrai. Ah non, mais c'est pas gentil pour Christine. Là, vous avez bien flingué l'ambiance. Ouais. Vous savez quoi ? Je trouve qu'il est tellement trop beau qu'à un moment, voilà, on se bat avec ses armes. C'est tout. Et ben, ce sont les miennes. Là, vous avez bien flingué, ouais. Allez, vous savez quoi ? On a un petit extrait, mais quand il chante bien, car il chante bien. Christine, c'est moi qui vous pose des questions. Une minute de questions auxquelles vous allez tenter de donner un maximum de bonnes réponses. D'accord ? Il vous faut battre le record de Pascal qui est de 7 pour l'instant. Est-ce que vous êtes prête ? Bah, écoutez, oui. Top chrono, c'est parti. Qu'est-ce qui peut être Mao, Claudine ou en V ? Le col. De combien de membres était composé le groupe ABBA ? 4. Qui joue le rôle de François Pignon dans le film Le Placard ? Daniel Auteuil. Quel nom désigne le fil incandescent d'une ampoule électrique ? Oh purée, je passe. Quel type de crustacés sont les gambas ? Je passe. Quel nom désigne la graisse située au niveau des cuisses ou des fesses ? La cellulite. Quelle marque d'eau se vante d'être le partenaire minceur de ses consommateurs ? Eh bien... Au cinéma, quelle actrice était surnommée, le plus bel animal du monde ? Oh, Jennifer, je sais plus. Enfin, ouais, je passe. Dans quel genre théâtral italien trouve-t-on l'Arlequin ? Je passe. Et vous passez trop tard. Oh, la Commedia dell'arte. Genre théâtral italien dans lequel on retrouve l'Arlequin. Bon, allez, on revient sur vos réponses avec Caroline Diamant. Bah, c'est clair que c'est pas 7. On revient. C'est plus facile sur, quand vous écoutez. Hein. Ouais. Sur vos réponses. Combien de membres compose le groupe ABBA ? Eh bien, 4, vous avez raison. D'ailleurs, ABBA sont leurs initiales. Écoutons un de mes titres préférés. Moi, Caroline, ce que j'attends de vous, c'est que vous me donniez les noms et prénoms des 4 membres du groupe ABBA, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Vous avez une demi-heure devant vous, voilà. Oui, oui, oui. Agnetha Fältskog, Annie Friedlingstadt, Dietfrieda, Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Pas la boule noire. Alors Daniel Auteuil effectivement incarne François Pignon dans Le Placard. On l'écoute. Vous vouliez vraiment vous foutre en l'air ? Je sais pas, je suis pas sûr que j'aurais le courage. Tout ça parce que vous avez été licencié. Mais non, c'est toute ma vie qui est loupée. Racontez-moi. Bon, je vais pas vous emmerder avec ça, elle a aucun intérêt ma vie. Allez-y, il y a rien à la télé ce soir. Bien, vous l'aurez voulu. Ma femme m'a quitté il y a 2 ans et je l'aime toujours. J'ai un fils de 17 ans qui m'a complètement laissé tomber. Et j'ai perdu mon boulot qui était tout ce qui me restait. Voilà, c'est passionnant, non ? Ça n'a effectivement aucun intérêt. C'est le filament qui est le fil incandescent d'une ampoule électrique. Les gambas, ben, fallait nous répondre tout simplement, en fait, des grosses crevettes. La cellulite, vous avez trouvé. Contrex, oui, ça vous est revenu également. Cette actrice qu'on surnommait le plus bel animal du monde, c'était la somptueuse Ava Gardner. Et le genre théâtral italien, Bruno vous l'a dit, la Commedia dell'arte. Alors, vous avez dit que ce ne sera pas suffisant, certes, mais enfin, c'est un score tout à fait honorable, Christine. Vous avez 5 bonnes réponses. Ouais. Bon. 5 bonnes réponses, cela veut dire que nous allons vous envoyer une montre RTL très vite. C'est génial parce que la mienne est tombée en panne hier et j'ai dit tiens, aujourd'hui je vais appeler RTL. J'ai une montre, mais de toute façon, les gens font ça maintenant. Plutôt que d'aller acheter une montre, ils appellent RTL. La montre RTL est magnifique, tout le monde la veut, tout le monde se l'arrache. Et ben vous avez bien fait. Je suis contente et puis je continuerai dans mon atelier à vous écouter, bien évidemment, et les grosses têtes et avec mes petites oreillettes devant la machine. Et puis très bien. Et ben ça fait plaisir. Christine, on vous embrasse. C'est super sympa, moi aussi je vous embrasse. Gros bisous. Continuation. Un gros bisou. Bon, est-ce qu'on ne ferait pas un petit appel mystère ? Ah mais si, je dis oui, je dis oui. Eh bien dans quelques instants, nous allons vous appeler. Vous vous êtes inscrit au 3210. Vous avez envoyé RTL par SMS. Dans moins de 2 minutes, votre cœur va faire boum. Et vous allez jouer avec nous en direct. À tout de suite. RTL autour du monde. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL autour du monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts insolites RTL qui vous promet un été aussi étonnant que fascinant. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. RTL autour du monde. Aujourd'hui à partir de 15h. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu 2 idées. Profitez du mois d'août pour le faire et bénéficiez des promos Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15€ par tranche de 100€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15€ par tranche de 100€, magasin participant sur bricomarché.com. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Dans 3 minutes, appel mystère. Ce matin sur RTL, vous vous êtes inscrit en appelant le 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74 900. Plutôt que de passer par le standard, avec Caroline, nous allons vous appeler en direct pour jouer, tenter de vous faire gagner le temps d'écouter Lisa Stansfield All Around the World. De réécouter ça ce matin sur RTL. Lisa Stansfield, c'était en 1990. Eh oui, déjà, All Around the World. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. Et c'est le moment de l'appel mystère. Vous vous êtes inscrit par SMS, vous avez appelé le 3210. Normalement, c'est le standard d'RTL qui vous appelle. C'est une voix automatique. C'est le Perfora, c'est ouais, c'est le Perfora qui vous appelle. Il faut bien qu'il travaille la semaine, il ne peut pas travailler que le samedi. Il n'y a pas de raison. Il faut manger. Eh bien, pour l'appel mystère, nous vous appelons en direct avec Caroline. En direct, où que vous soyez, sur votre lieu de travail, chez vous, peut-être dans votre voiture. Si c'est le cas, on vous laissera le temps de vous arrêter sur le bas-côté. Mais nous vous appelons maintenant. C'est parti. j'ai mis Julie Pietri en musique d'attente. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais ça sous la main. Tant pis pour vous. Mais j'aime beaucoup, moi, Julie Pietri. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Je nous présente Caroline Diamant, Bruno Guillon, vous êtes en direct sur RTL. Ah, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Adeline. Bonjour Adeline. Est-ce que vous avez une minute à nous accorder ? Oui. Très bien. Vous êtes où physiquement ? Parce que alors nous, on vous découvre. Je ne sais pas où vous êtes. Alors, dites-moi. Alors, j'habite à Sucé-sur-Erdre, à côté de Nantes. Mm-hmm. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous chaussez du combien ? Des choses. Non, je blague. Vous faites quoi dans la vie, Adeline ? Eh bien, je suis professeure de danse et de pilates. D'accord. Alors, danse classique ou danse contemporaine ? Alors, danse classique et danse moderne jazz. D'accord, très bien. En vacances actuellement ou bientôt en vacances ? En vacances. D'accord, en très vacances, bien. En vacances, voilà. Voilà. Vous bougez un petit peu ou pas du tout ? Bah, j'ai bougé un peu, oui. Et puis bah, là, on emménage dans notre nouvelle maison, donc on en profite pour Ça veut dire que vous êtes en couple, Adeline. C'est ça. Eh bien, tant pis, nous ne ferons donc que jouer ensemble ce matin. Bon, vous, dès que vous entendez danse et prof de pilates, ça y est, le fantasme part. Vous avez raison, il y a du muscle. Bon, Adeline, Caroline Diamant va vous poser des questions. Je ne sais pas si vous étiez en train d'écouter l'émission, mais si ça n'est pas le cas... Si ça n'est pas le cas, c'est pas très grave. Sachez juste que pour l'instant, le score à battre, c'est 7. Cela veut dire qu'avec 7 bonnes réponses, vous pouvez prétendre à un séjour à Disneyland Paris, chère Adeline. D'accord ? D'accord. Est-ce que vous êtes prête ? Ben, je suis prête. Eh bien, top chrono, c'est parti ! Qui était la métisse d'Ibiza dans la chanson de Julien Clerc ? Mélissa. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre ? Diva, j'ai pas compris, mais Diva. Quelle actrice française est mariée au prince Emmanuel Philibert de Savoie ? Passe. Quel est le chef-lieu de l'Ille-et-Vilaine ? Passe. De quel animal Agnès annonce-t-elle la mort dans l'école des femmes ? Passe. Quel alcool au nom germanique est une eau-de-vie extraite de cerise ou de merise fermentée ? Kirsch. Dans quel film de 63 Steve McQueen interprète le capitaine Virgil Hiltz, le roi du frigo ? Passe. Qui est le patron des boulangers ? Passe. Quelle ancienne Miss est aujourd'hui à la tête du comité Miss France ? Sylvie Tellier. Et on va s'arrêter là-dessus. Sylvie Tellier qui est en effet à la tête du comité Miss France. Sylvie Tellier que j'embrasse. Alors, on revient sur vos réponses, chère Adeline. La métisse d'Ibiza. On va voir, oulala. Métisse d'Ibiza chantée par Julien Clerc en 84. Oui, c'était Mélissa. Mélissa, métisse d'Ibiza, vit toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière, c'est canis, alors qu'elle est moitié nue. Sur les chez Mélissa, y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu. Oh, c'est indécent. Elle crie, mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en zoom en gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Et à chaque fois, nous faisions le clappement de main dans le studio. C'était très bon. Et en rythme. Oui, bien sûr. Julien Clerc. J'espère. Alors, vous n'aviez pas compris la question, mais vous avez eu la bonne réponse. Oui. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre ? Il s'agit bien entendu de la diva. Ouais, elle est mariée au prince Emmanuel Philibert de Savoie. C'est Clotilde Courau. Clotilde Courau, oui. Vous n'êtes pas très loin de Nantes ? Bah, oui. Vous n'êtes pas très loin de l'Ille-et-Vilaine. Le chef lieu de l'Ille-et-Vilaine, c'est Rennes. Ah, oh, mon Dieu. Voilà, on apprend pas ça à l'école, donc voilà. De quel animal Agnès annonce-t-elle la mort dans l'école des femmes ? Il s'agit du petit chat. Cet alcool au nom germanique, c'est le Kirsch. Le patron des boulangers, c'est Saint-Honoré. Saint-Honoré, eh oui. Et puis alors là, on va pas être copains, Adeline. Là, je peux vous le dire. Oula. 1963. Honnêtement, je pense que j'ai vu ce film 60 fois. Ah oui. Steve McQueen interprète le capitaine Virgil Hills, surnommé le roi du frigo. Il y a le roi du tunnel, c'est Danny Charles Bronson. Il y a le commandant Roger Bartlett par Richard Attenborough ou encore Colin Bliss, Donald Pleasence qui est le faussaire. Et le film, c'est La Grande Évasion. Avec cette scène culte où il devient aveugle et donc il veut absolument faire partie de l'évasion et il cache une épingle au bout de la pièce en disant mais si regardez je vois cette épingle et il a calculé exactement le nombre de pas pour aller la chercher et entre les deux on lui fait un croc en jambe pour qu'il tombe. Le croc en jambe c'est James Garner, Bob Henley, voilà, je le connais par cœur le film. Non ça se voit pas du tout figurez-vous. Avec la balle de baseball. Oui, et si vous vous dites c'est peut-être un vieux film, je vous invite à aller voir le dessin animé d'animation Chicken Run, qui est un dessin animé avec des poules dans un poulailler où il y a beaucoup de scènes en référence avec La Grande Évasion. J'en ai fait trop peut-être sur le film. Non, non, non, non, non, non, mais il me semble que vous êtes fan. Bon d'accord. Que j'ai cru comprendre. Sinon, je peux vous mettre un YouTube. Bon, Adeline. Oui. Vous avez 4 bonnes réponses. C'est bête. Non, c'est pas bête. Oh, non. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Dommage. 4 voilà. Bonnes réponses, on vous offre une montre RTL, on vous embrasse. C'est gentil, merci à vous. Belle journée merci. Adeline, et merci d'avoir merci pris un peu de temps pour nous répondre. Avec plaisir. Bon, la question qu'on se pose, au revoir, à 10h50, c'est a-t-on le temps de jouer une dernière fois? Moi, je dirais oui. On me dit, est-ce qu'il dira oui? Il dira oui. On va voir. Le grand quiz de l'été, vous voulez jouer? Vous appelez le 3210. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, il y a comme un hic, un hyper hic même. Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe encore chez Lidl? Bah c'est la feria de la tortilla. En ce moment, pour la semaine espagnole, les tortillas chorizo, épinards, oignons, lard ou poivron sont à 1,99€ les 500 grammes. La tortilla de patata à moins de 2€, bah on n'est pas sorti de l'auberge espagnole. Hein. Une tortilla de patatras, oui. Ah, on est moins mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Blablacar, blablacar. Bonjour, Ben qui va à Chamonix? Exactement, vous êtes Julie. Oui, allez, montez. Dis donc, vous êtes sacrément équipé, hein. Bonne chance hein, pour l'ascension du Mont Blanc. Oh, quelle aventure tu vas vivre. Et merci. Et toi, bon week-end en famille? Un trajet plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoituré pour le 15 août. Proposez vos places libres, c'est plus d'économies et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Et vous trouvez ça normal? Isabelle Saporta sur RTL. Suivez-moi chaque week-end dans la France de nos terroirs. Je vous montrerai sa richesse, mais aussi la montagne de normes absurdes auxquelles nos artisans sont confrontés au quotidien. Et vous trouvez ça normal? Isabelle Saporta, auteure du livre Foutez-nous la paix, chaque week-end à 8h40 et 12h55 sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Come must be my girls up. for the Weeknd. C'était Coldplay sur RTL. Le grand quiz de l'été. Ouh, cette musique qui fait peur. Depuis... Qui séduit tout le monde, cette musique. Hein. Bien sûr, ouais. Générique d'une série qui s'appelle Stranger Things. Voilà, ah oui. Que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez un petit peu de temps à tuer pendant cet été, vous pouvez regarder, c'est exceptionnel. Bon, alors, depuis 11h du matin, 10h du matin, pardon, se sont succédés Claire, Pascal, Christine, Adeline, pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris. Mais qui va repartir avec ce séjour ? Rebonjour, Pascal. Oui, rebonjour. Pascal. J'ai eu peur. Hein. Eh oui, il y a eu des bons candidats, mais force est de constater que celui qui va partir en famille à Disneyland Paris, c'est vous. Ouais, merci. Pascal. Merci beaucoup. On est content pour vous. Merci, merci beaucoup. Le fan, notre fan des Beatles. Oui, qu'a perdu avec une question des Beatles. Ah, c'est pas grave. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez avec qui vous allez partir ? Bon bah ma femme et mes enfants sûrement. Ah oui, c'est une bonne idée. J'aime bien le sûrement. Oui, sûrement. Bah, au cas où vous ne changeriez pas d'avis. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est aux États-Unis actuellement, il y a l'autre qui va partir en Finlande pour ses études, alors il va falloir trouver un créneau entre les deux. Bon, bah écoutez, on vous laisse gérer le créneau, nous on gère le séjour. Séjour féerique à Disneyland Paris pour 4 personnes, vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien, chanté avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge et en plus, on vous offre les déjeuners, cher Pascal. Merci beaucoup. On vous embrasse, passez une belle journée sur RTL. Merci, vous aussi. Plein de bisous et merci d'avoir joué avec nous. Et cette merci, journée Caroline. Sera belle, comment pourrait-il en être autrement, puisque dans quelques minutes, il y aura Sidonie Bonnec et Thomas Hugues pour l'excellente émission La curiosité est un vilain défaut. Et puis n'oubliez pas cet après-midi, 15h-16h, RTL Autour du Monde, présenté par Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Demange. Jean-Michel Zeka que je salue ici même, car au-delà d'être un excellent animateur de télévision et de radio, c'est un excellent cuisinier. Et j'ai eu l'occasion de déguster hier soir les pâtes cuisinées par Jean-Michel Zeka. Et je peux vous dire que c'est quelque chose. Peut-être en parlera-t-il tout à l'heure avec Jean-Sébastien Petit-Demange, qui est chroniqueur culinaire et qui n'en a pas laissé une miette. Et vous non plus, d'après ce que vous nous avez raconté. Et moi non plus, je vous le confirme. Allez Caroline, je vous embrasse, on sera là demain. On sera là demain avec grand plaisir. Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. La vie reprend dans les Bouches-du-Rhône après une nuit d'angoisse. Plusieurs incendies dans les alentours de Marseille. Les feux sont désormais totalement sous contrôle. 3300 hectares sont partis en fumée. 3 blessés, dont 1 grave. Un large dispositif de secours a été mis en place, comme l'a expliqué ce matin Bernard Cazeneuve. Ce sont, dans les Bouches-du-Rhône, 2500 sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre. Nous avons également mobilisé l'ensemble des moyens aériens dont nous disposons. Les Canadairs, les Tracker, les Dash, des Beach, pour veiller à ce que, par l'effet du vent, le feu ne se propage pas dans d'autres zones. Nous avons, dans le cadre d'ailleurs de cette mobilisation de moyens aériens importants, le concours de l'Italie qui nous a envoyé 2 Canadairs, et je tiens à remercier l'Italie pour sa contribution aux efforts que nous faisons pour lutter contre les feux de forêt. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui s'exprimait tout à l'heure à la sortie d'un conseil restreint de défense à l'Élysée. Les habitants de Vitrolles constatent les dégâts. Aujourd'hui, c'est leur commune qui a été la plus touchée. Ils avaient été évacués. Hier, ils rentrent chez eux. Plusieurs dizaines de maisons ont été incendiées. Le feu est-il d'origine criminelle ? Un homme a été interpellé près des flammes à Vitrolles avec un comportement bizarre selon la Provence. Il est actuellement entendu par les policiers, mais pour le moment, rien ne permet de le mettre en cause. Les vols commerciaux à l'aéroport de Marseille, mais le trafic reste perturbé. Sur la route aussi, on nous signale des gros bouchons autour de la cité phocéenne. Et plusieurs portions de route restent fermées, notamment l'A7 entre Vitrolles et l'embranchement avec l'A51. Moins de 70 000 euros d'impôts pour Airbnb l'an dernier. Le chiffre est révélé aujourd'hui par Le Parisien. La plateforme aux 10 millions de voyageurs en France pratique l'opération.